Chapitre 16e. Pendant que Xavier passait par de si nouvelles épreuves, la vie de Mavra avait aussi changé. Lors du départ du jeune comte, un vide singulier s'était fait dans sa tête. Il lui semblait qu'elle avait en elle-même un grand précipice vertigineux, qu'elle n'osait côtoyer de peur d'y tomber. C'était une vaillante fillette. Elle lutta courageusement. Mais si sa volonté était indomptable, son corps était frêle. Un cercle bleuâtre se creusa autour de ses yeux, et elle devint si pâle que la comtesse en aperçut. « Qu'est-ce que tu as ? » lui dit-elle avec bonté. « Rien, » répondit Mavra en baissant les yeux. « Tu n'es pas amoureuse. N'avais-tu pas dit que tu ne voulais pas te marier ? » ?»« Je ne veux pas me marier, » dit la pauvre fille, retenant ses pleurs à grand-peine. « Alors je sais ce que c'est. Tu as le mal du pays. Demain tu iras voir ta mère. » Le cœur de Mavra faillit se briser. « Je vous en supplie, » murmura-t-elle, « laissez-moi ici, j'aime tant la maison. »« Non, non, » insista la bonne et aveugle comtesse, « c'est l'air natal qui t'est nécessaire. Tu partiras demain et tu ne reviendras que quand je te ferai chercher. » C'était un arrêt, et Mavra ne pouvait songer à s'y soustraire. Elle partit donc le lendemain. Sa mère ne l'accueillit qu'à moitié bien. C'était une bouche de plus à nourrir, et d'ailleurs les paysans sont très économes de leurs démonstrations de tendresse. Au bout de quelques jours, Mavra eut repris ses anciennes habitudes et se retrouva penchée le jour près de l'étroite fenêtre, sur le métier à broder, et le soir, debout, appuyée à la porte, à l'heure où elle regardait jadis les étoiles. Elle les regardait plus que jamais. Derrière ces lumières merveilleuses qu'elle comparait à des larmes, car elle était souvent triste maintenant, elle voyait les yeux noirs et le beau visage qui lui avait pris son âme. Tant qu'elle avait vécu dans la grande maison seigneuriale où l'image de sa chère idole lui apparaissait partout dans des attitudes familières, où elle n'avait qu'à fermer les yeux, pour croire que Xavier allait passer devant elle, Mavra s'était sentie heureuse. Elle était de celles pour qui la présence innocente et journalière de l'être aimé résume tous les bonheurs de la vie. Ici où rien ne parlait de lui, elle ressentit toutes les douleurs de la séparation. Inquiète, elle se demanda ce qui la torturait à ce point et faillit deviner. Mais elle s'arrêta au bord de sa pensée, n'osant la sonder, se disant qu'il devait y avoir au fond de sa souffrance quelque gros péché qu'elle ignorait elle-même. Elle se prosterna plus longtemps, matin et soir, devant les images, demanda à Dieu de la délivrer de son mal, et se sentant soulagée par cette effusion de tendresse mystique, elle garda sa tristesse en évitant de l'approfondir. Peu à peu, elle cessa de regarder les étoiles. Non seulement elle ressemblait plus que jamais à des larmes, mais sitôt qu'elle tournait son regard vers le ciel nocturne, ses propres yeux se remplissaient de pleurs, si bien qu'elle ne savait plus si c'était les feux du ciel ou ses propres larmes qui scintillaient si fort entre ses cils. Les longues séances de broderie lui semblaient pénibles, parce qu'elle y remuait tous les souvenirs de sa vie au manoir seigneurial, et plus elle y pensait, plus ce passé, alors si doux, devenait triste. Elle prit l'habitude de quitter la maison pendant les heures chaudes du jour. Toute sa famille faisait la sieste dans la cabane enfumée, au lieu de s'allonger sur un banc comme les autres. Elle allait au bord d'un ruisseau qui coulait à peu de distance du village et s'asseyait parmi les osiers à l'ombre d'un gros saule. La rivière chantait, les poissons sautaient, les mouches d'eau voletaient, et le spectacle de cette vie innocente reposait l'âme fatiguée de Mavra, pendant que ses mains fluettes reposaient indolentes sur ses genoux. Elle pensait à beaucoup de choses, et entre toutes, une idée la préoccupait. N'y avait-il pas au monde beaucoup de gens tristes, tristes comme elle, mais avec de bonnes raisons pour l'être ? Moi, pensait-elle, je n'ai aucun motif d'avoir du chagrin. C'est mon caractère qui est mal fait, ou bien c'est que je suis d'une disposition maladive. Mais il y a des personnes si malheureuses, des personnes qui aiment ceux qui ne les aiment pas, ou bien qu'on a aimé et qu'on n'aime plus. Ah, si je pouvais faire quelque chose pour soulager les malheureux. Mais je ne suis bonne à rien du tout. Et la comtesse ne me fait pas revenir. Je l'aurais ennuyée. Lorsque le soleil se cachait derrière certains rideaux de peupliers, elle retournait au village avec une cruche d'eau fraîche puisée au courant. Et elle travaillait au métier jusqu'à l'heure des étoiles, qui venait un peu plus tôt tous les jours. Une après-midi, en s'approchant de l'oseraie, Mavra s'aperçut que sa place était occupée. Sa première idée fut de s'enfuir. Elle était restée un peu farouche, malgré son séjour parmi les gens civilisés. La curiosité lui fit avancer la tête au moment où elle allait reculer. qui donc avait pris sa place? C'était une demoiselle, belle comme le jour, à ce que pensa la petite brodeuse, bien belle mais bien triste, car couchée à demi sur le gazon, appuyée contre le tronc du vieux sol, elle pleurait silencieusement, son fin mouchoir de batiste entre ses mains blanches. Mavra se rappela aussitôt les légendes qu'on disait aux veillées, et sourit de son idée, car elle ne croyait pas beaucoup aux fées. Le léger bruit qu'elle avait fait dans les osiers effaroucha Thécla, qui fit à son tour un mouvement pour s'enfuir. « Restez, restez, demoiselle, » dit Mavra, en se montrant tout à fait. « Je m'en vais, je ne veux pas vous déranger. » Thécla regarda la jolie fille avec un étonnement mêlé de plaisir. Sur ce jeune visage, il y avait tant de bonté et aussi tant de souffrance. Émue par le regard des beaux yeux qui la contemplaient, Mavra ajouta timidement « Que Dieu vous donne la paix, demoiselle, et qu'il vous ôte votre chagrin. » Thécla se redressa tout à fait et s'appuya contre l'arbre. « Qui t'a dit que j'avais du chagrin ? » fit-elle en s'essuyant hâtivement les yeux. « Vous pleurez. Ayez courage, demoiselle, ayez patience. Dieu aide les siens. » Thécla ne pensa point à s'offusquer de cette simple pitié qui venait à elle aussi doucement que les flots de la rivière. Les larmes mal essuyées jaillirent à nouveau et elle sanglota tout bas. « Ayez courage !» répéta la petite brodeuse. Après une courte hésitation, poussée par un instinct secret, elle ajouta « Celui que vous aimez vous aime. Qu'en sais-tu » fit Thécla bouleversée. « Bien sûr, vous êtes si belle. Et toi, tu es bonne ?» s'écria la jeune fille émue. Elles se regardèrent un instant toutes les deux. Un rayon de soleil qui perçait la soleil les éclaira de la même lumière dorée. « Adieu, mademoiselle, soyez heureuse, » dit Mavra en faisant un mouvement pour s'éloigner. « Attends, » fit Thécla. « Comment tu peux deviner que je... » Elle s'arrêta, honteuse. Elle n'avait encore dit son secret qu'à sa mère, et encore celle-ci l'avait-elle lu dans ses yeux. « Vous pleuriez, » répondit doucement Mavra. « Quand on a du chagrin, bien sûr, c'est qu'on aime. Et toi, tu n'as pas de chagrin ?» insista la jeune fille. « Moi, oh, moi, je ne suis qu'une paysanne. Je n'ai pas de chagrin. Excepté que je suis loin de la maison. Quelle maison ? Celle où je travaille. Je m'ennuie d'être loin, mais cela passera. Adieu. » Mavra écartait les branches pour s'en aller. La voix musicale de Thécla atteignit encore son oreille. « Je te remercie, » disait-elle. « Tu m'as fait du bien. » La petite brodeuse retourna son aiguille, mais depuis ce jour, bien souvent elle pensa à la belle demoiselle qui pleurait dans la soleil.